quelqu'un de mes plans. T'aimer ne faisait pas partie de mon plan. On se voyait de temps en temps. Je pensais qu'on pouvait gérer, pourtant. Tout a commencé à changer. J'ai commencé à te regarder en disant. Allô. Ouais, c'est à quelle heure le rendez-vous déjà? Et si c'est elle, pourquoi pas? Bah vas-y, j'arrive dans 20-25 minutes. Pourquoi pas? Le problème c'est que tu connais ma vie. Choisir c'est difficile. Avant de te connaître, j'avais une vie. Tu sais que c'est impossible. Tout ce qui arrive est de ma faute, mais je laisserai pas ma femme pour une autre. T'as vu, les retours sont bons hein, sur Grand Certain, franchement. C'est un truc de dingue, mais c'est pour ça, franchement, on a fait le bon choix, je pense, de sortir ce single là, ouais. Pile avant, tu vois, pendant la préco, c'est mortel. Très bon. Ça va ou quoi? Tranquille. Au top, et toi? Ouais. Désolé du retard, t'inquiète. Bien ou quoi? Comme d'habitude. Tranquille. Ça parlait de quoi? Ça sucrait mon dos? Non, jamais. Ouais, les gars, je voulais qu'on se capte aujourd'hui parce qu'on a reçu les premiers produits, en fait, des box qu'on va rendre disponibles. C'est pas mis à l'album. Exactement, donc ça c'est la box collector qui est exclusivement disponible dans tous les centres culturels Leclerc. Okay. Je vous laisse checker ce qu'il y a dedans. La fameuse boîte, tant attendu. Et l'autre point sur lequel je voulais qu'on échange ensemble, ouais. C'est sur une éventuelle écoute en avant-première de l'album. Ouais, c'est bien de faire ça. Sélectionner des gens. Sélectionner des gens et les faire venir après quand, je sais pas. Bah, on a regardé niveau planning, la meilleure des dates, ce serait qu'on puisse le faire le mercredi 22. C'est deux jours avant la sortie de l'album. Ouais. Les gens ils vont être au taquet fort. Et pareil, tu vois, on fait un formulaire à compléter assez classique disponible sur votre site, donc dadjouofficiel.com. Les gens se connectent, ils rentrent leurs coordonnées, nous on fait un tirage au sort. Et on les convie, genre, tu vois, un coup de 17h chez Universal. Okay. Et ce qui serait chambé aussi, c'est que tu puisses faire un petit showcase, tu vois, à la fin, en mode quelques titres en live, on exclut pour eux. Ouais. On fort. Filme tout ça. Fort. On est bien. Ce serait lourd. Je pense que c'est très, très, très beau. Non, je suis d'accord avec ça. T'as fait le taf. Merci beaucoup, les gars. On essaie. Unbox. On est là pour ça. Hein. Tout y est. Rendez-vous 24 maintenant. Et tu voulais mon cœur, je te l'ai donné. Et tu m'en demandes plus encore. Qui est merdé, mais je suis bloqué. Donc on fait comme si de rien n'était. De rien n'était. Comme si de rien n'était. De rien n'était. Tu voulais mon cœur, je te l'ai donné. Et tu m'en demandes plus encore. Je sais que c'est moi qui ai merdé, mais je suis bloqué. Donc on fait comme si de rien n'était. Et ça va être comme ça tout le temps? Non, c'est la fin. Je viens de te dire que l'album est fini. Avec toi, tu aimes être avec moi, mais il n'y a pas d'espoir et c'est mort. On peut pas tout avoir. Donc, en ce moment, je suis arrêté avec toi. Mais on sait tous les deux qu'on a. Après, il y a des promos, tout ça, mais je vais être là, je vais essayer d'être. Comment te laisser tomber? Tu devrais m'éviter, mais t'y arrives pas. Rien que le fait d'y penser, non merci. Bah, peut-être que tu es moins quand même, c'était moi. Je sais même plus quelle heure il est. Mais tu sais pourquoi je suis obligé de m'en aller. Non, j'essaie vraiment de finir ça vite, rapidement, et après. Et après, je vais essayer d'être là plus souvent. C'est qui? C'est une pote. Qu'est-ce que tu vois là? Je vais passer me voir. T'as des potes, t'as pas besoin de moi, toi. Ça va, Dadjou? Ça va, toi? Ok. Salut, ma chérie, ça va? Ça va être lentille, ouais. Alors, ça va? Ouais, ça va, en fait, ça va. Ça va pour mon... L'album? L'album, ouais. Ouais, ça se passe. Là, je suis sur la fin. Donc, comme il y a les derniers réglages à faire, je suis souvent en studio, tu vois. Et c'est ce qu'elle veut pas comprendre. Bah après, c'est vrai qu'il faut faire des choses, hein, tu vois. J'essaye, en tout cas. Franchement, je fais le maximum. J'arrive. Allô? T'inquiète pas. J'ai... T'inquiète. On va te mettre en maison, t'inquiète pas. Faut que je retourne au studio. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Tu vas me faire une phase à chaque fois que je dois aller au studio? Non, mais en tous les cas, ça changera rien. Parle à ta copine, s'il te plaît. C'est... Elle veut qu'on vive dehors. Mais le non, travail. Je fais des efforts. Après, c'est le travail, c'est sûr, mais bon. J'essaye de revenir vite. Vas-y, je reviens. Salut, adieu. Ciao. Non, t'inquiète pas. Je vais m'en charger. Je te dis, je le toi, sens. Toi, reste comme si de rien n'était. Occupe-toi de ta fille. Parle-lui normal. Vas-y, moi, mais il me fait gaffe au cas où, parce que j'ai pas envie de m'afficher si rien, quoi. Non, t'inquiète pas. Et tu voulais mon cœur, je te l'ai donné. Et tu m'en demandes plus encore. Et je sais que c'est moi qui ai merdé, mais je suis bloqué. Donc on fait comme si de rien n'était. De rien n'était. Comme si de rien n'était. De rien n'était. Allô? Ouais, ça y est, j'ai fini. Viens, on se voit là où on s'était vu la dernière fois. Vas-y, à tout à l'heure. D'arrêter, c'est douloureux. Mais continuer, ça nous rend pas plus heureux. Y'a qu'une victime dans l'histoire, c'est pas nous deux. Et je fais du mal à celle qui m'a tout donné. Ça n'a pas de prix, son amour n'a pas de prix. Et tu l'as bien compris, j'ai choisi. Je te laissais partir, nous deux, c'est moi. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je pousse les chaînes comme Django, Django. C'est les chaînes comme Django, Django. Salut. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. T'as l'air fatigué. Ouais. Ça va? Je taffe trop là en ce moment. J'ai vu ça. Tu voulais me dire quoi alors? Je sais pas comment dire ça. C'est à cause de tout ce qui se passe dans ma vie, tout ça. Ma fille qui est arrivée, tout ça. Ouais. Je pense que c'est pas une bonne idée qu'on continue de se voir. Attends. C'est sérieux là? Je sais. Ce que tu vas me dire, on a parlé, j'étais au courant. C'est de ma faute. Il n'y a pas de problème, mais je dois faire un choix et le choix, je l'ai fait en fait. Écoute, on a commencé à se côtoyer. Tu savais que t'allais avoir un enfant. Tu savais que t'avais une femme. C'est pas pareil. Tu savais que t'avais une femme. Maintenant, tu savais que t'avais là, un enfant. Pareil. Laisse tomber en fait. Non, je laisse pas tomber. Non, d'ajout, tu m'attends en fait. Non. Je suis en train de t'expliquer un truc. On est en train de parler pour rien. J'ai déjà fait un choix. Je t'ai dit que. Non, mais tu te fous de moi. Non, tu te fous vraiment de moi. C'est un truc de ouf là. T'es en train de me quitter dans un coin de rue en plus. T'es vraiment en train de me quitter. Tu sais, on parle dans le vent. Tu vois, on parle dans le vent. Ok. Je t'en supplie. Laisse tomber. Non. Laisse tomber. Non. Adjou.